Continue l'aspect française avec une autre nouveauté, Indigo Raven, première nouveauté dans cet aspect française. Récente formation de Doom originaire de Toulouse, le groupe a vu le jour en 2019 avec un premier EP et en fin 2021 ils sont sortis donc leur premier album studio. C'est une femme qui tient le micro et ma foi, sa voix accompagne magnifiquement bien ce doom assez atmosphérique et contemplatif que nous propose Mion. Ça reste massif, sans être non plus linéaire et barbant, comme a tendance à l'être un peu trop parfois le doom. Indigo Raven, Looking for Transcendence, l'album porte très très bien son nom d'ailleurs. Et en doublette, Cadaveric Fumes qui sort son premier album éponyme. Premier album posthume, pardon, Echoing Chamber of Soul, puisque le groupe Cadaveric Fumes a splitté, In Cold Astral Sleep, et juste avant ça, Indigo Raven avec le morceau Our Sacred Soil. C'est parti! Thank you. Pour clôturer cette demi-heure 100% française, dernière doublette donc avec Inherit the Void, récente formation One Man Band, Black Atmo français, originaire de Clermont-Ferrand. C'est une version très avant-gardiste de black metal avec une boîte à rythme. On peut se rapprocher d'un borgne par exemple, avec cependant des influences de black capuche récents telles que Déluge ou encore Céleste. Voilà, les présentations sont faites pour la formation française Inherit the Void. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau de l'album? Eh bien, il s'intitule Monolith of Light. Il est déjà dispo et on s'écoutera le titre As the Winds Mourn the Threnody. En doublette, et pour clôturer l'aspect française, la formation Tourangelle et le Scumbags, le groupe de proto-slam death, vient de sortir son nouvel EP intitulé The Purge, disponible depuis mi-décembre. On s'écoutera le titre d'ouverture de cet EP, Power Grows Veracity. Et c'est parti pour clôturer l'aspect française. Yeah. retour à la diff internationale pour attaquer la dernière demi-heure de cette première émission Hellbanger de l'année 2022. Memory Garden, une nouveauté de cette fin d'année 2021. Groupe de doom à tendance mélodique originaire de Suède, bientôt actif depuis 30 ans. Ils viennent là de sortir leur sixième album studio. 8 ans s'est écoulé depuis le précédent, qui était sorti à l'époque chez Metal Blade, donc voilà, belle renommée. Un album conceptuel avec la peste noire qui a frappé du coup la Suède, hein, puisque bah, bien évidemment ce nouvel effort donc sur le thème de la peste s'intitule 1349. L'album est déjà donc disponible, on s'écouterait le titre The Empiric, et dans la foulée Wardom Rife, Rings of Wrath, c'est le nom de leur nouvel effort studio. On est sur du black venu de Norvège, donc voilà une doublette scandinave. Troisième effort studio, agrémenté ponctuellement de trois autres EP. On est sur un black 100% trad black norvégien façon sauce 90. Ça sonne pas trop old school pour autant, c'est juste dans son jus avec une sauce actuelle. Voilà, c'est haineux, c'est mélancolique et c'est épique tout à la fois. Donc Wardom Rife. L'album en lui-même s'intitule Wind of Wrath, comme déjà dit. On s'écoutera le titre The Gospel of Hate. C'est parti, et c'est traditionnel. Come forth, my friend. Don't be afraid. I'm your last hope and you need my aid. Return in blood, my obligation. I take your pain, a full explication. As options are scarce, my service appears. Skeptics believe, believers are healed. Science become through trial and error. Light up the path for la suite, Lock Up, le All-Star Band du Grindcore International. Ils sortent là leur nouvel effort studio. Morceau presque long, hein, 2 à 3 minutes en moyenne. Gros gros gros line-up, hein, pour rappel, des membres de Pig Destroyer, That's the Gates, autres, Brutal Truth et Napalm Death. Lock Up, ce nouvel effort studio s'intitule The Dregs of Hades. A noter qu'il est sorti sur label français Listenable Records. Et en doublette, la dernière nouveauté pour l'émission d'aujourd'hui, Fortress, c'est Heavy, ça nous vient des États-Unis. C'est complètement inspiré par le Heavy des années 80, venu d'Angleterre, Maiden, Judas Priest, et les premiers efforts studio de Queensrÿche. Voilà, c'est très très bien fait, c'est assez mélo au niveau des parties de guitare, d'ailleurs il y a un shredder fou à la gratte, et le chanteur fait méchamment bien le taf. Voilà, Fortress, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'album? Eh bien, il s'intitule Don't Spare the Wicked. Il est déjà dispo sur le très très bon label High Roller Records. On s'écouterait le titre Anguish, et juste avant ça, Ashes, le titre signé Lock Up. Rock! Allez, petit voile glacial avant de clôturer l'émission pour aujourd'hui. On va s'écouter un groupe tout seul, il s'agit des Québécois de Ossuaire, l'excellent groupe de black metal qui sort un nouvel EP intitulé Trium Wirat. Une sortie bien évidemment chez Sepulchral Production. On s'écoutera le titre Igno Potentis et on se retrouve juste après pour la clôture de l'émission avec la dernière doublette Ossuaire. Et voilà, c'est donc déjà l'heure de clôturer la première émission Hellbanger de l'année 2022. Le créneau reste le même, 21h-23h le dimanche soir. Première émission 2022 que l'on va clôturer tout en brutalité et en dégueulasserie, avec tout d'abord Frenelis, groupe de death suédois, du cavern death à la sauce evil type incantation. A noter que dans Frenelis, on retrouve bien évidemment, quand on dit death metal dégueu et Danemark, un membre de Undergang, tout simplement le guitariste vocaliste. Hein. Voilà, Frenelis, ce nouvel effort studio, bah ma foi, il est vraiment bien coolos. Une sortie chez Nuclear Winter Records, l'album s'intitule Chimaera. Et pour clôturer l'émission de ce soir, Stebbing, le groupe de Brutal Slam Death venu du Texas. A noter que deux nanas font partie de la formation, c'est notamment une vocaliste. Ravenous Psychotic Onslaught, c'est le nom de ce nouvel EP, déjà dispo chez Comatose Music. On va se quitter avec Ravenous Psychotic Onslaught, le titre donc de l'EP pour Stebbing. Et juste avant ça, Gorgon Head, signé Frenelis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Et là, nous serons en direct des studios de Radio Béton. À très bientôt. Ciao, ciao.